suis venu dans cette intro pour te parler. Pour te dire qu'un jour, c'est clair, il faudra qu'on m'enterre. Toi aussi, ça arrivera. Et quand ce jour arrivera, je crois que tu pourras pas me mettre dans mon trou. J'aurais tellement pas envie que les vers prennent ma puissance, que même mort, j'en sortirai. J'ai pas le pétrole comme bouche, je roule pas sur l'or, j'ai pas des coiffes pleines, je dirige pas les gens comme des moutons, je suis pas le berger. J'ai pas une femme qui fait de l'humanitaire, qui part à l'étranger avec des bagues pleines les doigts, qui exhibe sa richesse devant des pauvres morts de faim. La fille la plus sincère, c'était Lydie. Mais on l'a tuée pour ce qu'elle faisait. Et on l'a tuée, tu le sais, pour quelle raison? Pour un con ou une maîtresse? Enfin, c'est ça le monde. C'est ça, la plus hauteté des gens. Jamais on n'en verra la fin. J'ai la peur au ventre pour mes gosses. Maintenant on prend vite. Rage au poivre dans le thorax. Arrête, qu'est-ce que tu fous? Remonte le son. Allume l'ampli. C'est la voix d'HV qui vient de passer. Il vient clamer la bonne parole. Il vient clamer la bonne parole. De la misère.